l'idée que chacun de nous cherche sous forme d'autres à nous inclure pour voir l'efficacité de ces éléments dotés de lui-même en lui. Créer des facteurs de considération mutuelle entre les parties qui augmentent chaque fois que l'une des parties essaie de voir clairement son point de vue en rendant l'autre plus lumineux. Que ces tentatives sérieuses de toutes les parties afin de polir l'autre. De refléter clairement l'image de l'ego, il en résultera l'admiration et le bonheur de toutes les parties. Car chacune d'elles fait la même chose ou en même temps pour le même but, pour que le beau fasse la beauté partout où il va, et pourtant que la beauté soit source de bonheur, le bonheur y règnera. Donc on ne peut pas considérer que les choses sont belles en les voyant d'un seul sens, c'est l'œil, mais même lorsque sa portée atteint tous les sens et que l'esprit le classe, où nous ne pouvons pas identifier entre le melon amer et la pastèque, et nous avons dit que les deux ne faisaient qu'un en termes de paysage et d'apparence. Et à la fin de cette version de nos programmes, l'apparence et le décor, bien qu'ils soient très nécessaires, de sorte que nous distinguons le masculin et le féminin en termes de nature physique. Car l'un d'eux fait l'humanité et l'autre ses fleurs, si l'on suppose que le monde est une forêt accidentée, dense et surpeuplée, et que l'humanité est un beau champ en elle. Tandis que chaque famille humaine est un arbre béni avec ses feuilles fraîches et exquis avec ses merveilleuses fleurs, à couper le souffle paysage et apparence. Et aussi longtemps que les femelles sont les fleurs de l'humanité, alors que les fleurs dans leur nature ne sont pas cachées et ne sont pas couvertes de la lumière du soleil. Mais doivent plutôt avoir la possibilité de déchaîner ses plus belles scènes et ses manifestations, même si ce qu'elles semblent pour les visions, ce n'est pas la beauté, mais cela crée la beauté. Dans ces lookers, donc ça renaît l'esprit de bonheur dans leur intérieur qui à son tour met en œuvre des facteurs de conservation des sources de beauté. Il cherche donc de son côté à y faire renaître le bonheur, cet état qui reste réciproque en vertu de la nature inhérente à nos profondeurs. Et donc nous dans la croyance unicôme. Voyons que l'étalage des femelles et leurs vues époustouflantes et leurs décorations et leurs manifestations, à moins qu'elles ne leur nuisent ou nuisent à d'autres autour d'eux sainement. Elles ne devraient pas être cachées ou couvrir ou empêchées car ce sont des facteurs naturels et des nécessités personnelles pour les femmes. Mais doivent plutôt être préservées pour le bien du processus de vie de l'humanité selon ce qui ne l'affecte pas négativement et n'atteint pas son bonheur. Sans lequel il n'y a pas de bonheur pour les autres, alors laissez-la briller comme le soleil, elle brille toujours pour nous, et ne nous brûle pas, et s'il brille, alors c'est son état naturel. Donc celui qui est sujet à la brûlure doit se cacher dans l'ombre, et non à elle. Et fini, bonjour, et jusqu'à ce que nous nous rencontrions dans les prochaines versions sur les traces de Konda 2020.